lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Dernière lettre de Louis XVI, 20 janvier 1793. Je demande un délai de 3 jours pour pouvoir me préparer et apparaître devant la présence de Dieu. Je demande pour cela de pouvoir voir librement la personne que j'indiquerai au commissaire de la commune et que cette personne soit à l'abri de toute inquiétude et de toute crainte pour cet acte de charité qu'elle remplira auprès de moi. Je demande d'être délivré de la surveillance perpétuelle que le Conseil général a établie depuis quelques jours. Je demande dans cet intervalle à pouvoir voir ma famille quand je le demanderai et sans témoin. Je désirerais bien que la Convention nationale s'occupât tout de suite du sort de ma famille et qu'elle lui permît de se retirer librement et convenablement où elle le juge utile à propos. Je recommande à la bienfaisance de la nation toutes les personnes qui m'étaient attachées, il y en a beaucoup qui avaient mis toute leur fortune dans leur charge, et qui n'aient plus d'appointements doivent être dans le besoin, et même de celles qui ne vivaient que de leurs appointements. Dans les pensionnaires, il y a beaucoup de vieillards, de femmes et d'enfants qui n'avaient que cela pour vivre. À la cour du Temple, le 20 janvier 1793, signé Louis.